the whole tragic point, my friends. Yeah. What would I do? If I could suddenly Israel and to know once again that what I feel is real. Surreal, surreal, surreal. I could cry. Cry. Cry. I could smile. I could smile. I might lay back for a while. Yeah. Tell me what. What? What would I do? What would I do? If I could feel. I could feel. I could feel. Yeah. Okay. Trust Thomas, aller dans mon esprit, c'était écrit depuis petit. L'hypocrisie vient avec moi, la jalousie m'a épousé depuis des années. J'ai morflé pour t'abandonner, coup de pute créé. Quand j'ai crié, personne n'est venu aider. Allez venez, allez vous faire enculer. Mon rappeur c'était tapant, t'es con car tu te tapes bêtement. Mon flow n'est pas lent, je souhaite à certains une mort lente. La souffrance a volé mon enfance, une mauvaise graine avec de l'intelligence dans le crâne. Je suis sincère, je t'emmerde frère. Je sais qu'on me veut du mal, je suis parfois paranoïaque. No, alors trust no nobody, trust no nobody, trust no, trust no, trust no nobody. Baby, plus d'amis dans ce monde où l'amour est mort. Et je crois que je suis mort avec trust nobody. Ok, yo, yo, yo, ok. Certains ou certaines disaient m'aimer, j'ai dû en faire pleurer pour savoir la vérité. On a voulu me tuer, mais les vrais mecs ne meurent pas. Vrais mecs ne meurent pas, vrais mecs ne meurent pas. À leur pas, accroche-toi. Pourquoi moi, Seigneur, montre-moi pourquoi. Le rap, ma thérapie, j'enchaîne les rimes ainsi que mes ennemis. Être une cible renforce, si tu savais. Certains pensent me connaître, mais ils ne savent rien. Alors pourquoi parler pour rien? Le monde est mien, mon état d'esprit en dérange plus d'un. J'ai aimé et j'ai jamais trompé. Alors dis-moi pourquoi tu as pleuré. Je t'ai donné de l'amour et un jour tu as voulu stopper. Pourquoi? The world is nothing but love, nothing but love, nothing but love, nothing but love, nothing but love, nothing but love, bitches and money. Stopper. Pourquoi? The world is nothing but love, bitches and money. World is nothing but love, bitches and money. World is nothing but love, world is nothing but love, bitches and money. Is it money? Trust nobody. Trust nobody.